Amis humains, bonjour. Voici, pour le 150e anniversaire de la Commune, un appel des Gilets jaunes de Montreuil, paru dans lundi matin 277, le 1er mars 2021. 1871-2021, c'est le 150e anniversaire de la Commune. Certains veulent la commémorer, d'autres la célébrer. Tout le monde a bien saisi l'enjeu politique. Comment ne pas laisser le monopole du cœur aux barons du moribond parti socialiste qui veulent planter des araucarias en hommage à la Vierge Rouge? Louise Michel condamnée au bagne en Nouvelle-Calédonie où pousse cet arbre communément nommé ironie du sort, désespoir des singes, à cause de ses feuilles en forme d'écailles coriaces. Comment faire la nique à certains édiles de droite du Conseil de Paris qui ne veulent surtout pas réveiller un imaginaire révolutionnaire bien confiné et qui ne demandent qu'à reprendre de la vigueur après moult couvre-feu? Ce collectif de gilets jaunes de Montreuil-la-Rouge a peut-être trouvé le ton juste ou tout du moins l'air le plus populaire pour souffler les 150 bougies de cette vieille dame qui n'aspire qu'à une nouvelle jeunesse. Le 18 mars 2021, que vive la Commune et vive les gilets jaunes. Le 17 novembre 2018, nous, les petits, les sans-droits, les premiers de corvée, enfilions un gilet jaune et occupions rond-point, place, esplanade, rue. Avec, sur le dos, un seul mot, justice. Décliné en justice sociale, justice fiscale, justice écologique, et, dans la tête, un espoir fou, la démocratie directe, par le peuple et pour le peuple. Depuis ce jour, une pluie de lois liberticides s'est abattue sur nous, visant à nous dépouiller de tous les moyens de défense devant l'absolutisme du pouvoir. Le 18 mars 1871, les petits, les sans-droits, les premiers de corvée, prenaient les armes, dressaient des barricades, fraternisaient avec la troupe, se soulevaient, pour donner corps à leur rêve de « démocratie directe, par le peuple et pour le peuple ». Ils défendaient leurs canons, seuls garants de leur sécurité face à l'arbitraire et la scélératesse du pouvoir qui voulait les asservir. 1871. 2021, même combat contre les états dits « d'urgence » qui désarment ou suppriment systématiquement les mouvements contestataires. Nous, gilets jaunes de Montreuil, toujours assoiffés de justice, appelons tous et toutes les gilets jaunes de l'univers à rendre hommage à toutes et tous les révolutionnaires d'hier et d'aujourd'hui. À commémorer les avancées humanistes du Conseil de la Commune de 1871. Et à réitérer nos revendications de 2018, la principale restant la démocratie directe. Par le peuple et pour le peuple. Le 18 mars 2021, on reprend nos ronds-points, nos places, nos esplanades, la rue. On allume nos braseros, on fait la fête et on continue à lutter pour un monde meilleur. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.